Chapitre 5e. Le gong retentit. Il semblait à Geneviève que le combat avait duré une demi-heure pour le moins, quoique Joe l'eût averti que chaque engagement ne se prolongeait guère au-delà de 3 minutes. Au bruit du gong, les secondes de Joe firent irruption sur le ring et coururent à lui, qui s'était retiré dans son coin. Le repos était d'une minute. Il prit place sur son tabouret qu'on lui avait rapporté. Un des seconds s'accroupissait entre les jambes allongées du jeune homme, les élevait l'une après l'autre, puis les reposait sur ses genoux et les y massait vigoureusement. Joey se tenait assis, la tête renversée en arrière, les bras étendus sur les cordes, pour favoriser la dilatation de sa poitrine. La bouche grande ouverte, il aspirait, à plein poumon, l'air frais que lui envoyaient ses soigneurs, l'éventant avec leurs serviettes. Durant ce temps, son manager lui épongeait le visage, les épaules et le thorax, tout en lui glissant à voix basse quelques conseils utiles. La même cérémonie avait lieu à l'autre bout du ring avec Ponta. Le tout rapidement expédié, si rapidement, que Geneviève s'imagina que le repos réglementaire avait été injustement écourté et que la minute accordée n'avait en réalité duré que quelques secondes. Le gong résonna. Les seconds s'éclipsèrent à travers les cordes, avec tous leurs accessoires, et vers le centre du ring revinrent Joey et Ponta. Ponta reprit son manège, frappant de droite et de gauche, brutal comme toujours. Joey bloqua les coups, mais telle était leur force qu'il lui reculait de plusieurs pas. Alors Ponta bondit sur lui comme une bête fauve. Dans un effort qu'il fit pour garder son équilibre, Joey se découvrit, durant une seconde, lançant de l'avant, involontairement, un de ses bras et sortant sa tête de l'abri des épaules. Ponta, qui le serrait de près, voulut profiter de l'occasion pour lui asséner sur sa mâchoire découverte un terrible swing. Mais déjà Joe avait plongé vers le sol et le poing droit de Ponta fila juste derrière sa tête. Il en profita pour se remettre d'aplomb. Mais déjà le poing gauche de son adversaire s'abattait sur lui en indirect susceptible de l'envoyer dans la salle par-dessus les cordes. En une fraction de temps infinitésimale, il plongea encore, plus vivement que ne frappait Ponta, dont le poing lui effleura le versant de l'épaule pour tomber ensuite dans le vide. Une fois encore, la brute infatigable revint à la charge et lança son poing droit. Mais Joey se hâta de se réfugier dans la sécurité d'un corps à corps. Geneviève, qui se sentait faiblir d'émotion, tellement tous ses nerfs étaient tendus, poussa un soupir de soulagement. Le public s'était remis à follement applaudir. Silverstein, sur sa chaise, criait et gesticulait hors de lui. Le chef de rayon lui-même hurlait son enthousiasme à ses voisins, de toute la force de ses poumons. Le corps à corps, une fois rompu, le combat reprenait. Ponta cognant, Joey bloquant, reculant, parant l'ouragan des coups, glissant autour du ring et finalement se tirant toujours d'affaire. Il réussissait rarement à frapper, car Ponta avait l'œil aussi vif dans la défense que dans l'attaque. Joey ne pouvait espérer venir directement à bout de l'énorme et puissante vitalité du monstre. Son jeu consista à le laisser, comme il en avait prévenu Geneviève, à l'épuiser peu à peu en efforts inutiles. Elle s'impatientait cependant de voir son amoureux toujours reculer. Cela la fâchait, qu'il ne réagît point plus énergiquement. Elle brûlait d'assister à une revanche de sa part sur la brute qui le harcelait. Comme elle commençait à n'y plus tenir, l'occasion propice arriva et Joey asséna un violent coup de poing sur la bouche de son partenaire. Le coup fut formidable. Elle vit la tête de Ponta se renverser spasmodiquement et la teinte ardente du sang rouge se répandre sur ses lèvres. Un autre en fut resté sur le carreau, mais la douleur éprouvée et les applaudissements de l'assistance n'eurent d'autre effet que de rendre Ponta furibond. Il se rua sur Joey en assaut renouvelé, décuplé de violence, et Joey, n'y pouvant plus tenir, eut recours une fois encore au corps à corps. La situation demeurait critique pour Joey, que Geneviève et tout le monde croyaient désormais en sûreté, mais qui n'arrivait pas à resserrer suffisamment sa prise pour immobiliser complètement Ponta. Celui-ci, qui avait son menton sur l'épaule de Joey, réussit à dégager son bras droit, dont il lui abattit au bas du dos, en plein sur les reins, un coup terrible. Joey était touché, et bien touché. Le public grogna son dépit, et le gong retentit. Il eut la fugitive minute de repos, et le match continua. Là où le coup avait été frappé, la peau blanche de Joey était devenue écarlate. La tache sanglante était de la taille du gant qu'il avait faite. Elle effrayait, et fascinait à ce point Geneviève, qu'elle n'en pouvait détourner ses regards. Poursuite de l'un, fuite de l'autre, et finalement corps à corps, recommencèrent. Malgré les efforts de Joey, Ponta, à 3 reprises différentes au cours du round, parvint à renouveler son coup sur les reins, Joey en souffrit horriblement. Et ce fut un nouveau repos au quatrième round qui ne donna aucun résultat. Au cinquième round, Joe prit encore le dessus. Acculé contre les cordes, il feignit de s'élancer pour un corps à corps. Mais au moment précis où Ponta, levant le bras, s'apprêtait à recevoir contre lui le corps de l'adversaire, Joey recula d'un pas et mit son poing dans le ventre sans protection qui s'offrait à lui. Avec la vitesse de l'éclair, il donna quatre autres coups, des plus lourds, dans le flanc de Ponta, qui laissa tomber ses bras, trébucha et tituba, comme s'il allait se casser en deux, mais se redressa. Et Joey choisit le moment opportun pour lui envoyer à la mâchoire en direct, qui manqua son but. La joue seule fut atteinte et Ponta versa par côté. Le public se mit à trépigner, tous les spectateurs vociférant comme un seul homme et hurlant « Il l'a ! Il l'a !» Geneviève eut l'impression que c'était le début de la fin. Elle aussi ne se possédait plus. Ce qu'il y avait en elle de doux et de tendre avait disparu. À chaque coup massif asséné par Joey, elle exultait. L'incroyable endurance de Ponta, qui s'était déjà remis sur ses pieds, n'avait pas dit pourtant son dernier mot. De même qu'il avait, comme une bête fauve, poursuivi Joey, Joey le poursuivait maintenant. Il tenta de nouveau, l'ayant rejoint, de le frapper à la mâchoire, d'un coup foudroyant, qui le mettrait définitivement hors de combat. Mais Ponta, qui avait retrouvé son sang-froid, piqua de l'avant, comme au round précédent avait fait Joey pour éviter ses propres coups. Si bien que le poing de Joey, violemment lancé, alla se perdre dans le vide, et que l'amoureux de Geneviève, perdant son aplomb dans son élan fou, tournoya sur lui-même. Immédiatement, Ponta cingla de la gauche et son poing s'abattit en plein sur le cou découvert de Joey. Haletante, Geneviève vit les bras de son fiancé s'abattre le long de son corps. Joey vacillait et tentait vainement de se redresser, puis s'abattre mollement sur le sol comme un sac vide. Arrêtant le combat, l'arbitre vint se pencher sur Joey et se mit à compter les secondes, scandant chacune d'elles d'un geste de la main qu'il abaissait, la seconde terminée pour la relever ensuite. L'assistance s'exaltait tout à l'heure, était soudain devenue impassible comme la mort. Ponta, qui saluait, afin de recevoir les marques d'approbation qui lui étaient dues, ne rencontra qu'un silence général, glacé comme celui d'un cimetière. C'était notoirement injuste. Seul son adversaire, qu'il frappa ou fut frappé, recueillait les suffrages du public, et lui, Ponta, qui depuis le début du match avait mené la lutte, n'avait pas recueilli un mot, un geste d'encouragement. La haine de Joey grandissait en lui. Ses yeux flamboyants d'une flamme sombre, accroupi près de l'ennemi tombé, le coude droit rejeté en arrière, le poing tendu, il brûlait de frapper dès que l'arbitre aurait compté les secondes réglementaires et que Joey commencerait à se relever, s'il se relevait. Si menaçant était-il que l'arbitre dut le repousser en arrière et se placer entre lui et l'homme prostré. 4. 5. 6. Comptait l'arbitre. Joey, qui avait chu la face contre terre, se tortilla faiblement. Il fit effort pour se mettre à genoux et y réussit. Puis s'appuyant sur un genou et sur les mains, l'autre jambe repliée sous lui, il essaya de se lever. « prends ton temps, Joey !» crièrent plusieurs voix dans la salle. « Pour l'amour de Dieu, prends ton temps !» lança à son tour, d'une voix chaude, mais que l'émotion étranglait, un des seconds de Joey qui se tenait debout derrière les cordes. Geneviève reporta ses yeux sur le jeune homme. Elle vit qu'il était tout pâle, les traits tirés par l'angoisse, et que d'un mouvement inconscient des lèvres, il comptait tout bas avec l'arbitre. 7, 8, 9. Les secondes tombaient une à une, et le temps passait. À la neuvième, tandis que l'arbitre repoussait de réchef Ponta, puis à se ruer sur sa proie, Joey se remit sur ses pieds, se ramassa sur lui-même et se couvrit. Il était faible, mais calme. Très calme. 10. L'arbitre se recula et Ponta fonça sur Joey. Joey évita par des plongeons successifs le poing de Ponta qui écumait. Mais sous le déluge des coups, il fut promptement acculé dans un angle du ring. Il était faible, extrêmement faible, piétinait et titubait derrière en avant comme un homme ivre ou mal éveillé. Son dos touchait les cordes, il n'y avait plus pour lui de retraite. Sûr de sa victoire, Ponta stoppa durant une demi-seconde, feignit de frapper du poing gauche, puis lança son poing droit. La maîtrise de soi de Joey le sauva. Il renouvela la suprême ressource du corps à corps. Ponta se débattit éperdument, afin de se libérer de cette pieuvre qui le paralysait. « Séparez-vous !» commanda l'arbitre. Mais Joey n'eut garde d'obéir et bien au contraire, il serra de plus belle. « Faites-le lâcher !»« Pourquoi ne le faites-vous pas lâcher ? Alteponta, presque étouffé. L'arbitre renouvela son ordre. « Séparez-vous !» Il tenta de décrocher Joey, qui ne voulait rien entendre. « Lâchez-le, Joey, lâchez-le !» Et Joey ne lâchait toujours pas. Il sentait, durant le répit qu'il obtenait ainsi, ses forces revenir peu à peu, son cerveau s'éclaircir, et l'étoile d'araignée qui lui troublait la vue se dissiper. Tenir bon, 2 ou 3 minutes encore, était pour lui le salut. Geneviève comprit que dans les corps à corps, Joey était invincible. Mais alors pourquoi l'arbitre prétendait-il, comme en ce moment, lui faire lâcher prise ? Avait-il donc secrètement parti lier avec Ponta ? Oh, le vilain homme que c'était Lee Jones, avec sa face réjouie. De dépit, elle crispait ses mains en fonçant ses ongles dans ses pommes, à s'en faire crier. Lee Jones, en effet, empoignant par les épaules Joey et Ponta, les avait violemment décrochés. Il acheva de les séparer en passant vivement entre eux et en les repoussant chacun de leur côté. Sitôt libre, Ponta se jeta sur son partenaire pour l'assommer. Mais immédiatement, Joey renouvela la prise et riva son corps à celui de Ponta. Mais sans qu'il s'en laissât détourner, il jouait admirablement son jeu et le jouerait autant qu'il serait nécessaire. L'exaspération de Ponta était à son comble. Il recommença à se débattre, la face congestionnée, cherchant en vain un détour pour atteindre Joey, le secouant par instants furieusement. « Mords-le ! » railla dans le silence la voix aiguë de Silverstein. « Pourquoi ne le mords-tu pas ?» Tout le monde entendit la boutade et la salle, oubliant un moment l'angoisse qu'elle éprouvait pour son favori, si malmené, éclata d'un rire tumultueux, presque hystérique. « Mords-le, Ponta !» crièrent d'autres voix. « Arrache-lui l'oreille ! Mange-le ! Bouffe-le tout cru ! Tu ne l'auras pas autrement !» En dépit de son émotion grandissante, Geneviève ne put s'empêcher de rire elle aussi. Ce lui fut un soulagement momentané tout au moins à l'oppression qui l'étouffait. Elle se sentait malade et faible et était excédée d'horreur par ce qu'elle avait vu et ce qu'elle voyait. Tapie dans sa cachette, elle avait senti complètement tomber son enthousiasme de tout à l'heure. Le jeu du ring et son attrait lui redevenaient étrangers. Quel obscur plaisir pouvait prendre ce spectacle ignoble, tous ces gens assemblés. Quelle satisfaction pouvait trouver Joey dans ce grossier déploiement d'efforts physiques, dans ses étreintes barbares, dans ses coups plus inhumains encore. C'était, oh oui, mieux que cela qu'elle avait à lui offrir. Le repos de la vie, les joies douces de l'amour et ses caresses. Comment pouvait-il hésiter entre le cœur et l'âme qui se donnait à lui et ce jeu maudit du ring, cette vile et incompréhensible sirène qui le tiraillait sans cesse. Il y avait là pour elle un stupéfiant mystère. Le gong avait frappé et les secondes et deux lutteurs remplissaient maintenant leur office. Le jeune homme, pâle, franchissant rapidement les cordes, avait pris Joey dans ses bras, l'avait soulevé de terre et porté dans un coin. Les autres aides se démenaient à le soigner, lui frottant les jambes et les cuisses, lui tapant sur l'abdomen, élargissant des doigts son maillot à la ceinture pour lui permettre de mieux respirer. Geneviève voyait Tanu s'élever et s'abaisser la poitrine de son fiancé. Elle songea que la sienne haletait ainsi quand il lui arrivait de courir après un tramway. Mais combien plus étrangement puissant était l'espasme rythmé qui soulevait le thorax de Joey. L'âcreté de l'ammoniaque, dont Joey aspirait sur une éponge les effluves brûlantes, arrivait jusqu'à elle et lui mordait les narines. Elle le vit qui se gargarisait, puis suçait un citron, tandis que les serviettes affolées l'éventaient éperdument, afin de renvoyer à ses poumons un plus pur oxygène qui lui permettrait de retourner régénéré au combat. Son corps brûlant fut épongé, rafraîchi avec de l'eau fraîche des seaux, et les bouteilles d'eau lui firent retourner sur la tête le goulot en bas.